Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. C'est la chronique du hockey mineur avec notre ami David Lamontagne. On sait qu'il n'y a pas eu de chronique la semaine passée, on n'a pas pu. C'est présenté par BR Metal. Salut David. Salut Danny. David, on va faire le bilan de ce qui s'est passé actuellement dans les deux dernières semaines. Il y a eu plusieurs tournois, donc allons-y avec le tournoi Bantam. Ça a été très, très concluant. Hein? Oui, une belle réussite. Pour le tournoi, puis à Pierre-Luc et son équipe ont fait une belle job. En plus, ce qui était plaisant, c'est que les équipes locales ont très bien fait pendant le tournoi. Il y a le Bantam B qui ont perdu en demi-finale, puis le Bantam 2B, les Rapides, ont perdu en finale un beau match. C'est une défaite de 1-0 contre Saint-Bruno. Mm. Okay. C'était une belle fin de semaine, puis une belle réussite. Puis ça, il faut rappeler évidemment que c'est bon pour les assistances. Quand l'équipe locale, les équipes locaux performent, oui. C'est bon pour les assistances aussi. Ça aide pas mal. Là. Oui. Ouais. Et puis en plus, il y avait beaucoup d'équipes d'Almour. Le monde d'Almour reste aussi. Ça remplit l'arène. Oui. Ouais. Parle-moi maintenant de l'autre tournoi. Oui, de l'autre tournoi qu'il y a eu en fin de semaine. Ouais. En fin de semaine passée, le tournoi à Tompiwi, une autre belle réussite. Il y avait beaucoup d'équipes. Je pense qu'il y avait une affaire comme 37-38 équipes. Ça s'est joué dans les trois arénas, Normandin, Dolbeau, Mistassini. Oui. Pour les équipes, là, regarde, l'Atome Mort, les Éperviers ont perdu en finale. L'Atome 2B, les Rapides, ont perdu en finale. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la finale. On les félicite en passant. Oui. Une belle victoire. Après ça, le Piwi B ont perdu en demi-finale. Le Piwi 2B... sont rendus en finale, ont perdu en finale un match à 1-0 aussi. Puis ça aussi, c'est bon que les équipes performent, puis que les équipes se rendent à loin dans le tournoi, ça remplit l'aréna, ça met de l'ambiance aussi dans l'aréna. Oui, effectivement. J'en profite aussi pour remercier aussi le comité du tournoi à Tompiwi qui ont fait encore une fois une belle job, puis que ça aussi, je pense que c'est une réussite aussi. Les deux tournois, là, c'est des... C'est deux tournois collés. Je sais que c'est beaucoup de travail, beaucoup de veux pas, là. C'est demandant pour les bénévoles, c'est demandant pour les commanditaires aussi. Mm-hmm. Mais c'est une belle réussite. Parce que je sais qu'il y a eu plusieurs reportages dans les deux cas, c'était bien rodé, là. Là, ça va être au hockey mineur de trouver une relève. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une relève? Je sais que Pierre-Luc Ménard ne revenait pas. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une relève? Oui, il va y avoir une relève. On va s'occuper de ça. OK. On va essayer de prendre suivre les gens qui montent dans le Bantam, qui sont de l'Atome Piwi présentement. Essayer de faire un suivi pour qu'ils prennent en charge le tournoi Bantam. OK. Parle-moi maintenant, il y a un autre gros tournoi en fin de semaine? C'est le Festival Prénovice à Normandin. Ouais. OK. Les Mag 1, Mag 2 qui vont. C'est la relève, c'est leur premier tournoi, c'est pour plusieurs d'entre eux autres. J'invite les gens à aller à Normandin en fin de semaine pour encourager les petits prénovices. C'est quand même le fun à voir. Pour ceux qui connaissent pas trop, là. Ouais. Ça vient de partout, hein? Ça vient de où, là, ces équipes-là? Ça vient partout de... Je sais pas quelle équipe ils ont en fin de semaine. Ben sûrement Saint-Félicien, Robertval, tous les environs, là. Ils en ont, puis Dolbeau-Normandin, Dolbeau-Normandin, là. Okay. Je sais pas s'ils ont des équipes de l'extérieur, là, je suis pas au courant. Là. OK. Hey, David, je sais pas si t'as entendu parler du documentaire L'Arbitre qui a passé à Canal D. Est-ce que tu en as entendu parler un peu? Fait par Mathias Brunet. Je n'ai entendu parler, je l'ai pas vu. Non, c'est parce que j'ai fait la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais, puis j'ai posé la question, puis j'ai posé la même question. Moi, j'ai été sonné un peu de voir, ben, je savais, Marc, bien, là, mais en fait, ce que le reportage veut démontrer, c'est le rôle de l'arbitre dans le hockey mineur, comment c'est ingrat et ainsi de suite. Puis, écoute, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on apprend, là. Les arbitres dans les hockey mineurs, c'est le dénom de la farce. Est-ce que vous autres, là, moi, je me dis à la lumière du documentaire, vous avez-tu bien de la misère à vous trouver des arbitres? Sais-tu, parce que me semble que ça devient comme. Surtout, c'est surtout la misère, c'est surtout de garder nos arbitres. Oui, hein? Il y a quand même une bonne relais, là. On a mis un petit peu l'accent là-dessus les deux, trois dernières années. Il y a quand même beaucoup de jeunes, là, qui ont suivi leur cours. On a beaucoup de. Mais c'est un petit peu pour les calibres plus hauts, là, tu sais, le midget. On n'a pas beaucoup d'adultes qui sont arbitres. C'est vraiment le problème, c'est vraiment de garder les arbitres. Okay. Je veux pas, là. J'ai pas vu le reportage, mais tu sais, on sait que c'est pas toujours facile, là, le métier d'arbitre. Là, pis, non, c'est peut-être un peu un travail à faire là-dessus. Là. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose. Je pense que c'est quand même généralisé dans tous les hockey mineurs. Tout le monde est dans pas mal la même situation. À Dolbeau, est-ce que c'est pire qu'ailleurs? Je suis moins pire qu'ailleurs. Je suis pas mal pareil dans tous les villes. Je sais pas. Mieux, quand tu parles avec, quand tu parles avec les autres, c'est pas mal. Chacun ses petits problèmes. Chacun ses. Pour nous autres, le plus gros de notre problème, c'est peut-être là, la distance entre nos arénas à Dolbeau-Mistassini puis Normandin, d'envoyer les arbitres d'une place à l'autre. C'est là que c'est plus compliqué. Okay. C'est toujours le besoin d'avoir plus d'arbitres à Normandin, mais c'est quand même difficile là, pour ça. Là. Mais je pense que le problème est un petit peu partout, généralisé. J'imagine qu'au Saguenay, ils ont peut-être moins de problèmes un petit peu. À raison de la présence des cégeps et des universités de Veuport, les arbitres, t'as plus de monde d'extérieur qui viennent, qui ont déjà leur formation d'arbitre. C'est un peu fou. Pas mal généralisé, le problème. C'est un peu fou, en tout cas, ce que j'ai vu. C'est sûr qu'il y a des problèmes qu'il nous faut passer vraiment, puis le but, c'est de faire connaître le rôle de l'arbitre. David, on s'en parle la semaine prochaine? On rappelle que la chronique est commanditée par BR Metal de Dolbeau-Mistassini.